pour monter quelque chose, en anglais, on dit apporter en haut. Bring up. Mm-hmm. Chaque mouvement qui monte se dit up. Et chaque mouvement qui descend se dit down. Down. Descendre quelque chose se dit donc apporter en bas. D'accord? Mm-hmm. Descendre quelque chose, c'est to bring down ou to take down. Prendre en bas, vers en bas. To take down, to bring down. Mais monter se dit to bring up ou take up ou carry up. Carry? Carry. Ça veut dire porter, to carry up. Apporter, to bring, monter en apportant, to bring up. Porter en haut se dit to carry up. Et amener en haut, monter en l'amenant, ça se dit to carry up. To carry up ou to prendre en haut, to take up. Alors, si vous parlez au porteur, comment est-ce que vous lui dites « Voulez-vous monter mes valises ?» Will you take up my luggage? Yes, my luggage, my bags. Et voulez-vous faire monter mes valises? Will you have take up? No. Will you have? Après have, il faut dire quoi? Have my luggage. Will you have my luggage take up? Taken. Taken up. Yes. Will you have my luggage taken up? Yes. Or brought up. Will you have my luggage taken up? Will you have my luggage brought up? Et si vous voulez faire descendre vos valises? Alors, will you have my luggage? My luggage, yes. Or my bags. My luggage take down. Once more. Taken down. Yes, taken down. Will you have my luggage taken down? Yes. Je veux le faire préparer pour vous. I'm going to prepare. Yes, I'm going to prepare it. Je vais le préparer. Je vais le faire préparer pour vous. I'm going to have. Le faire. I'm going to have. Done it. Je vais le faire. I'm going to have le. Have it. Aha. I'm going to have it préparé. Prepared. I'm going to have it prepared for you. Je vais le faire préparer pour vous. I am going to have it prepared for you. Comment dit-on ça va être fait? It is going. Être fait. To be ready. It is going to be ready. Ça va être prêt. Mais ça va être fait? Ah. It is going to be done. Good. Il faut employer le participe passé, n'est-ce pas? Après l'auxiliaire être. Ça va être fait. It is going to be done. Je veux le faire pour vous. I'm going to have had. To have done it for you. Je vais le faire. I'm going to have it done. Right. I'm going to have it done. Alors, pour exprimer faire quelque chose, on emploie have suivi du participe passé. To have it fixed. Le faire réparer. To have it washed. Le faire laver. To have it pressed. Le faire repasser. To have it taken up. To have it brought up. Le faire monter. Le faire descendre. To have it brought down. To have it taken down. Le faire préparer se dit to have it prepared. Quand il s'agit de personnes, là aussi on emploie have pour remplacer faire. Mais pour les personnes, on n'emploie pas le participe passé, mais l'infinitif sans le to. Par exemple, si vous voulez dire voulez-vous le faire attendre? Comme il s'agit d'une personne, n'est-ce pas? Voulez-vous faire attendre cette personne? Il faut dire Will you have him? Wait. Wait, sans participe passé. Will you have him wait? C'est ça la différence. Si c'est une personne, on n'emploie pas le participe passé. Faire faire quelqu'un, faire attendre par exemple, si au bureau on vous dit il y a quelqu'un, there is somebody here, Mr. So-and-so, there is Mrs. Smith here, we would like to see you, et vous voulez répondre, voulez-vous la faire attendre, alors vous dites, s'il vous plaît, will you have she... No, have... Her? Wait? Right. Will you have her wait? I'm coming down right away. Je descends. Je viens en descendant. I'm coming. Je viens. Down en descendant. I'm coming down tout de suite. Right away. Right. Right away. Tout de suite. Right away. Right away. On peut aussi dire straight away. Alors je descends tout de suite. I'm coming down right away. Yes, I'm coming down right away. Ou si on veut dire, voulez-vous la faire monter? Will you have her... venir... come up? Right, will you have her come up? Yes!